J'ai ôté bitume expérience. On va 2011. Les jeunes sont excités, rap sans ceux qui sont acquittés. Ils finissent tous par nous quitter. Y'avait personne pour nous guider. Un peu de ma rage et de mes idées, c'est nos rimes, viens réciter. Petit, faut pas hésiter, face à ce système, résister. Affirmer et insister pour finir par exister. Plus personne n'est fier, mais toi t'as du mal à l'admettre. La vie c'est une rafale, tes meilleurs potes veulent te la mettre. La vie c'est une balle et elle tient dans 9 mm. Nos jours pour 100 balles, les petites putes se la font mettre. Et les minots pour 100 grammes, dur des poils qu'on se défenestre. Chaque décennie est au crâne et c'est la haine qui nous fait renaître. Chaque désert est au crabe et c'est la haine qui nous fait renaître. J'ai renfilé ma cagoule et mon père de crampons. Ça y est, je remonte sur le ring, décroché le titre de champion. Je rentre à l'Elysée, une mitraillette, tout le monde détaille. Je crache ma haine en bastos, une injection létale. Dans le droit, tu sais qui, et je la quête sans faire de détails. Que tu sois Renoir, rap, tu fais un truc, pour toi c'est die. Mais si tu marques pour la France, ils te recouvrent de médailles. C'est plein d'immigration, mais savent toujours comment s'en servir. Et mettre en première ligne et leur promettre un bel avenir. Aujourd'hui, pour qu'on soit mort et leur famille se font bannir. Ils oublient peut-être qu'avant, ils ont aidé la France à se construire.